Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. Passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est direct, non, tu sais que mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. Je le représente. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est direct, non, tu sais que mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. J'ai le crispy, lâcher des rimes comme frisbee. J'ai l'air comme avec ses gros genis, proche plus loin de ses l'orgie. Viens poser ton sang dans le bac, viens frotter au grizzly. Sorti du bloc, la rime claque dans ta gueule si tu trahis. Une fois dans l'arène, tiens-toi, trop de place, mais qu'un roi. Le but finir king sans porter la couronne de la reine. Le but pas finir pute avec une jupe sous le baggy. La haine contamine, gentamine, kiffe le son qu'on t'amène. Peine partage le gâteau, MC poil ou au micro. Presse le beat comme ton cerveau par ton pédo. Mon rap, sport, sangle à mort, ta combe sans gants. Course de fond sans échauffement, démarrage avec les dents. Vampire élégant, j'suis pas le vent, l'argent pousse à l'ombre. L'argent pousse l'homme, pousse l'homme, mais dans le rap entre les bombes. Avant de pénétrer dans le show braise, avant d'avoir plus de baisse que de rimes réfléchies. 114 ou 113. Belle vaincue, on se jettera dans la bataille. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. T'as pas prêt à parler sur la vie, sur la bataille. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. De colère sur le ciment rugueux, comme mon regard visionne la zone comme un territoire de malotru. Les gens meurent, les moins fiers périssent au combat. Les races se disputent un bien d'un accord commun comme des malfrats. La pas du gain, c'est le goût d'une âme perdue sur un bitume truffé de pièges. J'ai ce goût soudain pour l'amertume. Dans la grisaille, les rues grouillent de requins. Le béton gris dégrade, les représailles maussades sont le signe du destin. Peur de détruire l'empire de l'oppresseur, on lâche ses vers agressifs. Que la grâce du Seigneur nous rassure. Pourquoi tant d'hommes triment quand tant d'hommes crient? Système hostile qui opprime la crème des gros bonnets du crime, putain. Fascination des plus jeunes sur un idole. Le pire criminel du coin, le rappeur pur de la métropole. Patrimoine du ghetto, Mac Taylor, conservateur d'une culture, averti nos marmots. Fonce de vie, fonce de vie, fonce de vie, fonce de vie. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. Fonce de vie, fonce de vie, fonce de vie, fonce de vie. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. Tu crois qu'on plaisante quand on vient dans ta ville et qu'on s'accapare des mics et des meufs, même à que voit qu'une fois ça dans sa vie. Je fais mon putain de job à plein temps, à fin de printemps. MC DJ producteur en même temps. Faut combien de temps pour remplacer le boss? Car mes potes et moi avons la dalle de beat et de bash boss. Pour mes gosses froids, le microphone garçon, la foule est froide comme un glaçon. Font qui bosse ta flex, honorant le blason. HH, t'es mal et faut que qui se cache. Quand je crache ma tchat, c'est que mon DJ enchaîne à coup de scratch. Le niveau t'es mon fils, tu frappes à long feu comme une puce falche. J'lave des rimes pour mon entourage, pour tous ceux qui m'encouragent. Des cages d'escalier, aux pages des colliers, on sent la rage qui monte. Ouvre les oreilles et affronte la réalité. T'as trop de défauts et moi trop de qualité. Bienvenue, on se jettera dans la bataille. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. T'as pas prêt à parler sur la vie, sur la bataille. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. Peu à peu, je me sens trop, mes relations humaines s'amoindrissent. Si c'était pour poser mon poing sur la gueule de ces hommes forts et de leur milice. L'absence de réalisme, se délègue des cris qu'on étouffe qui hante mon réalisme. Le fléau qui frappe le prisme brise l'ensemble des murs que se réalise. Les tirs d'autrui entretenaient trop qu'un être puni par l'autre. Ne serait être en faute, il devait être la cible d'actes commis par d'autres. Être à l'abri de ceux qui ne pourraient qu'enrichir mon coroner. Mais c'est dans l'honneur que l'amertume amortit l'ampleur des chocs infligés par leur père, putain d'époque. L'effet s'aggrave et ne cesse d'augmenter. Chez moi, le taux de mortalité enrichit les médias, quelle banalité. Alors qu'une mère dans sa douleur pleure un enfant qu'elle a jadis porté. Des figures sales enrichies sur le sort d'un damné qui change du déporté. Regarde ma figure sale, une face abrupte, un jean colossal. Je reste le nez que l'on évite, un rebut, un problème colossal. C'est sans ma selle, l'état me désarçonne. Trop de représentants de l'ordre, Marcel. Bienvenue, on se jettera dans la bataille. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. T'as pas prêt à parler sur la vie, sur la bataille. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. C'est les direct, non, tu sais. Mon rap, passeport de santé en chien si tu sors du ring. T'as pas prêt à parler sur la vie, sur Suicide.